Bonjour à vous, cher Xavier, en route sur les chemins de la philosophie. Pénélope, Nausicaa, Circé, Calypso, Charybde et Scylla, les femmes que rencontre Ulysse sont des noms prompts à faire rêver autant qu'à effrayer. Et de fait, entre enchantement et terreur, séduction et passion, douceur et monstruosité, les femmes ont plus d'un rôle à jouer dans ce long voyage retour qu'est l'Odyssée. Island is calling. Calypso Island is calling. Drink the rum again, drink the drum again, having fun again, everyone. Do do do do do do do do do do, like the do do. La tentation d'Ulysse, quand il débarque dans l'île de Calypso, c'est de croire qu'il est arrivé à la maison, n'est-ce pas ? Il croit qu'il est chez lui, alors qu'il n'est pas chez lui, et que cette dame n'est pas sa femme. Et de même pour la magicienne Circé. Il y a donc une série d'épreuves auxquelles est soumis le héros de la raison, de la fidélité à Pénélope, le chemin de la vérité, qui est le chemin d'Ithaque, est plein et semé d'embûches, d'erreurs, de mirages, de trompe-l'œil, de faux-semblants, qui sont des magiciennes, des séductrices, des musiciennes, qui sont là pour empêcher le héros d'arriver. Calypso Island, Enchanted Island. It makes you do-do, like the native do. Calypso Island is calling. Calypso Island is calling. Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre à bord du bateau d'Ulysse pour cette troisième traversée de la semaine, aujourd'hui en compagnie de Suzanne Saïd. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vladimir Jankélévitch, qu'on vient d'entendre, lorsqu'il affirme que les femmes dans l'Odyssée sont là pour tromper Ulysse en présentant comme une destination finale ce qui n'est pour le héros qu'une halte ? Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que le rôle des femmes est multiple dans l'Odyssée. Et en particulier, on le verra très bien quand on comparera deux épisodes très proches, qui sont l'épisode de Calypso d'un côté et de l'autre côté l'épisode de Circé. Dans les deux cas, vous avez une femme qui va accueillir Ulysse, mais la fonction des deux épisodes est totalement opposée. Calypso, qui apparaît la première, c'est d'abord celle qui va empêcher le retour d'Ulysse. Elle est un obstacle majeur, ne veut pas le laisser partir. Et finalement, il faudra, pour la faire plier, faire appel à une divinité. Par contre, Circé se conduit vis-à-vis d'Ulysse comme une bonne hôtesse. Il n'a d'abord aucune envie de partir. Il va falloir que ses compagnons lui rappellent quand même que le retour est quand même encore à faire. Et elle l'aidera de façon efficace, non seulement en lui donnant ses conseils, mais en l'envoyant chez un bon spécialiste, pour lequel il faut hélas descendre dans le royaume des morts, c'est-à-dire consulter le devin Tirésias. Voilà. Mais on va faire ce voyage ensemble ce matin, Suzanne Saïd. Vous êtes professeure émérite des universités de Paris 10, Nanterre et de Columbia Université à New York. Vous avez beaucoup écrit sur la littérature grecque, aussi le monde à l'envers, pouvoir féminin et communauté des femmes en Grèce ancienne, approche de la mythologie grecque, et ce livre « Homère et l'Odyssée » aux éditions Belin. Quelle place tient Homère dans votre cœur ? Comme tout helléniste, il ne peut que tenir une place majeure. C'est quand même le point de départ de la littérature, c'est un texte fondateur, et c'est un texte auquel tout le monde, à un moment, en Grèce en tout cas, à un moment ou à un autre se réfère. On commence le voyage ? Si vous voulez. Destination, l'île de Calypso, où on retrouve un Ulysse, bizarrement peut-être, très mélancolique. Ulysse était sur le promontoire. Ses larmes n'avaient pas séché et toute la douceur de la vie s'écoulait avec ses larmes. La nymphe ne lui plaisait plus. il n'en passait pas moins les nuits, mais par devoir, dans la grotte profonde. Elle ardente, lui sans ardeur. Mais le jour, il allait s'asseoir sur les pierres des grèves et il pleurait en regardant la mer sans moisson. La nymphe merveilleuse, en s'approchant, lui dit « Malheureux, va, ne pleure plus toujours, et que ta vie ne se consume point. Je veux bien te donner congé. Allons, coupe des longues poutres à la hache et construisant une barque assez grande avec un pont assez haut, afin qu'elle t'emporte dans les brumes de la mer. Moi, j'y déposerai le vin pourpre, le pain et l'eau en suffisance, en sorte que tu n'aies pas faim, et je te vêtirai, puis ferai souffler un bon vent, afin que sain et sauf tu retrouves ton lieu natal, s'il plaît au moins au Dieu qui possède le ciel immense, et mieux que moi, peuvent décider et parfaire. » Nous sommes au chant 5 de l'Odyssée, lorsque ce texte arrive, ici lu par Thibaut de Montalembert. Suzanne Saïd, voulez-vous nous raconter comment Ulysse en est arrivé là ? Alors, donc, ce que je voudrais d'abord signaler à propos de cet épisode, mais aussi de beaucoup d'autres, c'est que la façon dont ils sont introduits dans l'œuvre est extrêmement complexe. Vous avez d'un côté une œuvre qui se présente de manière générale, comme tout poème épique, comme un récit, qui est demandé par un naède à une divinité, la muse, donc un récit en quelque sorte garanti par les dieux. Mais ce qui fait la spécificité de l'Odyssée, c'est que c'est un poème où il y a plusieurs présentateurs. Vous avez d'abord, et c'est important, Ulysse lui-même, qui fait le plus long récit de ses voyages à des étrangers qui l'ont accueilli, c'est-à-dire les Phéaciens. Mais il est très loin d'être le seul. Et il arrive tard, surtout. Ulysse arrive tard dans le texte et son récit arrive au champ neuf. C'est-à-dire que, si vous voulez, le récit est très bizarrement construit parce que le voyage d'Ulysse, qui est censé être représenté, d'après le prologue, au centre de l'œuvre, en fait, n'en occupe qu'une toute petite partie et qui apparaît relativement tard. Ce qu'on nous raconte d'abord, c'est ce qui se passe à Ithaque. C'est aussi un voyage qui n'est pas du tout le voyage d'Ulysse, mais le voyage de Télémaque, son fils, et qui lui sert en quelque sorte dans l'œuvre de contrepoint. C'est-à-dire, le voyage de Télémaque, c'est le voyage sans problème. Il se déroule dans un monde réel. Tout le monde sait ce que c'est que la Pylos de Nestor ou bien la Sparte de Ménélas. Il y est chaque fois fort bien reçu et on lui donne, ou on tente de lui donner, les renseignements qu'il cherche. Vous avez plusieurs récits d'Ulysse. Les deux principaux sont ceux qu'ils font en Phéacie, d'abord à la reine des Phéaciens et ensuite, beaucoup plus développés, au roi des Phéaciens. Et enfin, vous avez d'autres récits présentés par d'autres personnages qui parlent, comme le passage que vous venez de citer. Oui, parce que d'ailleurs, de Calypso, il est fait référence dès les premiers vers, en réalité. Mais on aura l'histoire qu'un peu plus tard. Au chant 5, à peu près. C'est ça, au chant 5, exactement, même ce qu'on vient d'entendre. Ulysse est sur le promontoire. C'est ça. Et dès le début du texte qu'on a entendu, on voit qu'Ulysse est en train de pleurer. Oui, mais il est décrit là par l'Aède, plus exactement par la muse à qui l'Aède a passé la parole. Alors pourquoi Ulysse est-il en train de pleurer sur l'île de Calypso ? Parce que, depuis qu'il y est, il ne rêve que d'une chose, c'est du retour, retrouver son identité. Et tout ce que Calypso lui promet pour le séduire, c'est-à-dire non seulement l'immortalité, mais même une jeunesse éternelle, tout cela ne le convainc à aucun moment de renoncer à ce retour, ce qui signifierait renoncer à sa propre identité. Pour vous, Calypso relève de la magie ou de la divinité ? Elle est présentée comme une déesse. Elle est au départ une déesse malfaisante qui empêche Ulysse de rentrer. Mais ensuite, quand elle a reçu la visite d'Hermès, Elle va l'aider en lui fournissant le matériel pour construire son navire, etc. Donc c'est un personnage assez ambigu, je dirais. Mmh. Circé, elle est restée dans la réputation des lecteurs comme une méchante magicienne. Oui, on y viendra plus tard, oui, parce que Circé est peut-être moins, elle est aussi ambivalente, mais c'est peut-être moins apparent tout de suite. Restons un instant sur Calypso quand même, parce que cette femme que l'on a entendue, cette nymphe merveilleuse, dans le texte en tout cas, change d'avis. Alors, pas seule, il lui a été conseillé de laisser partir Ulysse. C'est impératif. On dit, dans l'assemblée des dieux, Athéna parle à Zeus et lui dit, envoie Hermès à Calypso pour qu'il lui signifie notre arrêt irrévocable. Ulysse doit rentrer. Et c'est à partir de ce moment-là que Calypso se transforme, disons, en adjuvant. En adjuvant, oui, c'est ça, elle obéit aux dieux, en tout cas, suite au message que Hermès lui a délivré de la part de Zeus. Mais le texte est vraiment très beau parce qu'aux larmes d'Ulysse correspond la douceur de Calypso, dans ce texte en tout cas. Et à partir du moment où elle a décidé de le laisser partir, elle dit, je déposerai le vin pourpre, le pain et l'eau en suffisance, en sorte que tu n'aies pas faim, et je te vêtirai, puis ferai souffler un bon vent, afin que sain et sauf, tu retrouves ton lieu natal. Oui. Elle est à ce moment-là très gentille, mais elle n'a pas le choix. Oui, mais c'est une parole de mère. Oh, je ne suis pas sûre. Qui prend soin de lui. C'est le rôle de la femme, qui est toujours définie dans les poèmes homériques, par sa relation avec l'homme et par ce qu'elle lui apporte ou lui enlève. Vous en parlez dans votre livre, justement, du rôle des femmes dans l'Odyssée. Comment est-ce qu'il se caractérise par ce qu'elle apporte à l'homme, c'est ça? Eh ben, je veux dire, il est, comme je vous le dis, multiple. On a différentes images de la femme. Vous avez Pénélope, c'est, disons, la femme idéale, la fidèle, celle qui attend son époux. Mais n'oubliez pas aussi qu'on le rappelle l'existence de Clytemnestre, qui, elle, a causé la perte de son mari par son infidélité. Pénélope ne correspond pas aux autres registres de féminité que vous avez cités. Calypso et Circé d'un côté qui accueillent... Mais là, ce sont des déesses. Elles accueillent les deux d'ailleurs au départ, parce qu'elles veulent Ulysse dans leur lit. Mais l'une, très rapidement, se transforme en bonne hôtesse, c'est Circé. Tandis que l'autre résiste jusqu'à ce qu'elle y soit forcée par les dieux. En tout cas, Ulysse, lui, même s'il pleure aux côtés de Calypso, car il veut rentrer chez lui, ne se prive pas de goûter les plaisirs de la chair avec Calypso. Et ça, c'est dit à plusieurs reprises. Oh, ça, c'est sans aucun problème. Mais de toute façon, il n'a pas le choix. Elle l'a mis dans son lit et il faut qu'il fasse le job. Il n'en tire aucun plaisir de son séjour chez Calypso? On en sait strictement. Si vous voulez, c'est un point qui n'est certainement pas abordé. Ce qu'on voit, c'est l'objectivité des faits. Et ça, c'est très homérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Calypso? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Quand elle l'aide, comment elle l'aide? Et pour Circé, c'est exactement la même chose. Comment l'aide-t-elle? Par des conseils, par des avis, et en particulier en le mettant en garde contre certains dangers et en l'envoyant pour un complément vers le monde des enfers, où il trouvera celui qui est chez Homère le devin par excellence, et qu'il restera d'ailleurs dans la tragédie grecque, c'est-à-dire Tirésias. Vous parlez d'objectivité, mais pourtant, vous avez bien insisté sur l'emboîtement des récits. On ne sait jamais vraiment qui parle dans l'Odyssée. Ici, si c'est Ulysse qui parle ou si c'est un narrateur, comment sait-on que c'est objectif? Ah ben, je veux dire, quand je parle d'objectivité, je veux dire qu'il y a le texte donne une série de reportages. De reportages. Il nous fait quelquefois entendre la voix directe des acteurs, et c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas traiter de la même manière le récit dans l'Odyssée, qui relève de la responsabilité de la muse, et garantie par les dieux, et d'autre part, les récits des différents acteurs, qui peuvent être, eux, commandés par leur propre intérêt ou leur propre désir. Vous parlez de reportage, comme s'il y avait une tonalité journalistique. Si vous voulez, je veux dire, en tout cas, la muse est supposée dire la vérité. Donc, quand c'est elle qui parle dans un récit, c'est vrai. Alors, comment passe-t-on de Calypso à Circé? On va entendre la description ensuite de la manière qu'a Ulysse d'abord résister à Circé, parce qu'il faut quand même le dire. Elle a transformé son équipage en pourceaux, en cochons. Tout à fait. Donc mais elle leur a de quoi très se vite. Méfier, voilà. Peut-être présentez-nous ce personnage de Circé. On est au champ 10 cette fois. Oui, alors Circé est un personnage, comme vous le disiez, ambigu. Mais je dirais qu'elle vaut mieux que sa réputation dans la littérature. Dans la littérature, c'est d'abord la méchante sorcière qui transforme des hommes en animaux. Dans le texte d'Homère, c'est beaucoup plus complet. Elle va, en fait, accueillir Ulysse, et celui-ci se sentira si bien qu'il n'a plus du tout envie de partir, et qu'il va être finalement forcé de le faire par l'appel de ses compagnons. Bon. Et à partir du moment où il veut partir, elle fera tout pour l'aider. Donc je dirais que dans l'Odyssée, contrairement à l'image qu'on a généralement de Circé, c'est un personnage parfaitement positif. Alors, on va entendre un extrait du texte où cet aspect positif n'est pas encore flagrant, puisque au moment où le texte commence, Ulysse vient de débarquer sur l'île de Circé. Il sait bien qu'elle a changé ses compagnons en pourceaux, en cochons. Et donc, Hermès lui est venu en aide en lui donnant une potion à boire, qu'elle est le protéger contre le sortilège de Circé. Écoutez sa réaction et puis le retournement, finalement, parce que retournement, il y a. Tirant le long de ma cuisse mon glaive, je sautai sur Circé comme pour la tuer. Elle, avec un grand cri, s'effondra, me prit les genoux et tout en gémissant me dit ces paroles ailées. « Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Je m'étonne que tu aies bu sans être ensorcelé, car jamais un mortel n'a résisté à cette drogue qui en but et lui fit franchir l'enclos des dents. Tu dois avoir dans la poitrine un esprit invincible. » Tu es sans doute cet Ulysse de ressources dont toujours Hermès à la baguette d'or m'annonçait qu'il viendrait, à son retour de Troie, sur son prompt vaisseau noir. Alors, rengaine ton épée et montons tous les deux sur notre lit, pour que, la joie de l'amour nous unissant, nous puissions désormais avoir confiance l'un en l'autre. À ces mots, je lui dis en guise de réponse, Circé. Comment oses-tu faire appel à ma tendresse lorsque tu as changé mes gens en porcs dans ta maison et que m'ayant ici tout à tes ruses, tu m'invites à entrer dans ta chambre, à monter sur ton lit afin de m'enlever étant nu ma virilité? C'est pourquoi je ne monterai pas sur ton lit avant que tu ne m'aies juré par le serment majeur que tu n'as pas ainsi sur moi d'autres desseins. » À ces mots, aussitôt elle jura, docilement. Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montais sur le lit très beau de la déesse. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On est sur les pas d'Ulysse cette semaine dans l'Odyssée. Aujourd'hui en compagnie de Suzanne Saïd qui a écrit un livre sur Homère et l'Odyssée. Et nous sommes en train de découvrir la rencontre entre Ulysse et Circé. Alors ça a l'air assez simple, Suzanne Saïd. Au fond, il se méfie. Elle lui dit « Mais non, ne t'inquiète pas. Puis, alors viens, couchons ensemble comme ça, tu auras mais ma après, confiance. » Après serment. Après serment, mais bon... Il n'accepte de le faire qu'après serment. Mais ce qui montre bien l'importance de la parole, c'est que le serment vaut pour preuve, en fait. Ah, tout à fait. Non, là, elle, si vous voulez, elle est présentée comme un personnage dont certainement on se méfie. Elle transforme les hommes je dirais plutôt en cochon, parce que c'est plus la connotation du mot grec que Jacques porc. Jacques peut-être traduit par porc, oui. Moi, je le trouve un peu trop noble, ce mot-là. Ah oui? Oui. La noblesse du porc. Je préférerais parler de cochon parce que toutes les associations des cochons sont en général assez négatives. Et pourquoi l'empressement de Circé à s'unir avec lui et goûter les joies de l'amour directement? Parce que c'est une femme. Et que c'est le motif principal. Le motif principal de la féminité? Souvent. Dans l'Odyssée? Dans l'Odyssée, c'est certainement le motif de Calypso et de Circé. Ce n'est certainement pas le motif des épouses, et en particulier de Pénélope. Bien que le lit tienne une place importante à la fin de Tout à fait. Mais le lit, c'est là, en quelque sorte, une sorte de réaffirmation de l'union conjugale. C'est pas du tout présenté comme d'abord le lieu du plaisir. Quelle place tient ce texte de le passage chez Circé, enfin tiennent ces textes chez Calypso, etc. Ce sont des passages, des moments fantastiques. C'était un voyage fantastique au sein d'un voyage plus prosaïque. Eh ben, écoutez, le problème, c'est que pratiquement tout le voyage, je dirais aller de retour, est un voyage fantastique. Il n'y a qu'un seul épisode qui est celui qui fait la transition entre l'histoire de la guerre de Troie et l'histoire du retour d'Ulysse, qui, lui, très nettement, met l'accent sur un point de départ réel, parce que les Cicones, qui sont la première étape d'Ulysse, sont un peuple dans le monde homérique réel. Ils apparaissent dans la guerre de Troie, dans l'Iliade, comme alliés des Troyens. Mais ensuite, plus la moindre allusion à des lieux réels. C'est-à-dire que ce qui est réel dans l'Odyssée, c'est les voyages de Télémaque, et puis vous aurez la dernière étape, c'est-à-dire le retour à Ithaque. Entre les deux, difficile de prouver que c'est vrai. Mais vous l'avez dit, c'est même pas l'enjeu finalement. Parce non, si on tient la parole de l'Aède comme pour argent comptant en fait. Donc, si c'est on prend la parole de l'Aède pour l'argent comptant, mais si vous voulez, alors que dans l'Iliade, l'Aède raconte des faits, dans l'Odyssée, vous avez des tas de récits qui sont en fait des récits que j'appellerais mythiques, qui parlent de lieux que les auditeurs ne connaissent pas. Mmh. Ça, c'est une grande différence avec l'Iliade. Il y a une dimension mythique plus importante dans l'Odyssée. Oh, de loin. Et mythique ou fantastique, parce que c'est pas la même chose. Bon, écoutez, j'emploie mythique parce que je fais du grec et parce que c'est le fantastique a une définition plus limitée. J'appelle mythe tout ce qui est légende. Et là, ce sont des pays dont on ne nous dit pas ailleurs qu'ils existent, au contraire. Alors, vous insistez sur la nature du récit, certes mythique, mais aussi comme étant une description de faits. Oui, tout à fait. Il y a une lecture qui va contre-courant de cette interprétation purement factuelle, qui est celle de Jacqueline de Romilly, qui dans son livre « Patience, mon cœur » reprend une phrase qu'Ulysse prononce lors de son retour à Ithaque. Ulysse est impatient de massacrer les prétendants qui ont envahi son île et qui embêtent Pénélope depuis le moment où il est parti. Et il doit se retenir pour ne pas agir. Et il dit à ce moment-là, il s'adresse à son cœur. Il dit « Patience, mon cœur, attends demain avant d'agir. Oui. » Et la lecture que propose Jacqueline de Romilly consiste à dire que c'est le début ici d'une forme d'intériorité du personnage dans la littérature, qui a une forme de lecture qui serait peut-être justement alors plus psychologique, on dirait aujourd'hui, en tout cas moins factuelle. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas tellement d'accord. Parce que je pense qu'en effet, le factuel demeure. Et que pour représenter justement ce que nous analyserions comme une réaction psychologique, ce que fait le récit homérique, c'est qu'il le présente comme un dialogue où Ulysse parle à son cœur, comme s'il se dédoublait en quelque sorte. Donc vous ne souscrivez pas à la thèse de Jacqueline de Romilly sur la naissance de la psychologie ? Non, pas sur ce point-là. D'accord. Sur d'autres points ? Sur d'autres points, probablement. Mais si vous voulez, ça a été ma patronne, je la connais très bien. Votre patronne Oui. Vous avez étudié avec elle. J'ai fait ma thèse avec elle. Bon, et c'est quelqu'un qui a été un admirable professeur. Mais je dois dire que du point de vue de ce qu'elle a écrit, certaines choses portent quand même beaucoup la marque de leur époque. Et on ne probablement réagirait pas tout à fait comme cela aujourd'hui. Mais vous avez vous-même commencé l'émission, parlons d'identité d'Ulysse. Alors, si ce n'est pas de la psychologie, de quel type d'identité s'agit-il ? Alors, l'identité d'Ulysse, c'est comme toute identité homérique, ce qu'il inscrit dans une société donnée. C'est-à-dire le fait qu'il est le fils de son père, qu'il est le roi d'Ithaque, qu'il a un fils, donc l'homme d'une lignée, l'homme d'un pays. Ce n'est pas une identité subjective, une sorte de... comment dire, de ce que les Grecs appelleraient le noos, son esprit. L'identité se définit de façon très factuelle. On va continuer le voyage, parce qu'avant d'arriver en enfer, aussi vous nous avez annoncé le programme tout de suite, on va faire un petit détour obligé pour Ulysse, par Charybde et Scylla. Qu'est-ce que c'est Charybde et Scylla ? Alors, Charybde et Scylla, c'est un petit épisode qui occupe extrêmement peu de place dans l'Odyssée. Ce sont d'un côté, un monstre avec des tas de têtes multiples, donc un vrai monstre. De l'autre côté, un endroit où il y a des tourbillons qui engloutissent chaque fois les marins. Ça, c'est Charybde. Une présentée comme un tourbillon et l'autre, au contraire, comme un monstre. Mais dans les deux cas, ce sont des personnages sans aucune psychologie et sans aucune personnalité. Ah, ce sont des monstres ? Oui, tout à fait. oubliant le conseil malaisé à suivre de Circé qui m'avait défendu de m'armer, revêtant ma glorieuse armure et prenant dans les mains deux grandes lances, je montai sur le gaillard d'avant du navire. De là, je m'attendais à voir paraître Scylla dans son rocher, qui devait nous être fatal. Mais je ne pus l'apercevoir. Mes yeux se fatiguaient à fouiller en tous sens les roches embrumées. Nous avançâmes vers la passe en gémissant. D'un côté attendait Scylla, et de l'autre Charybde, terrible, engloutissant la saumure de mer. Quand elle la vomit, comme un chaudron sur un grand feu, en mugissant, elle bouillonne toute, et de l'écume jaillit et couvre les deux cimes des écueils. Mais quand elle engloutit la saumure de mer, elle apparaît dans le dedans troublé, et le rocher tonne terrible autour. Tout en bas apparaît le fond de sable sombre, et la peur verte prit mes gens. Nous regardions ainsi de son côté, craignant la mort, et cependant, Scylla ravissait au profond navire six compagnons, les meilleurs bras et les plus forts. Ramenant mon regard au prompt navire et à mes gens, je ne vis que leurs pieds et leurs mains au-dessus, enlevés dans les airs. Ils m'appelaient encore, criant mon nom pour la dernière fois avec tristesse. Comme quand un pêcheur, avec sa longue canne, jetant d'un promontoire au petit poisson son appât, lance à la mer la corne d'un bœuf campagnard, en attrape un et le sort palpitant de l'eau. Il palpite, enlevé en l'air vers la roche. Là, le monstre les dévora devant son antre, hurlant, tendant les bras vers moi dans une affreuse lutte. Ce fut bien là le plus déplorable des coups que je souffris en explorant les passes de la mer. Alors pourquoi ai-je dit dès le début d'émission que c'était des femmes, ce sont des monstres, hein, mais elles sont présentées au féminin par Ulysse. Mais là, oui, ce sont des monstres au féminin, et elles sont très... L'une qui engloutit vomit, et l'autre qui dévore des humains. L'autre n'a même pas de tête, c'est simplement un tourbillon. Charybde, simplement un tourbillon qui engloutit les gens. Et les vomit. Et les vomit ensuite, mais mort. Et ce qui me paraît intéressant dans cet épisode, c'est que c'est tout simplement l'un des très nombreux épisodes qui se conclut par une perte d'un certain nombre de marins. Chaque fois, vous avez une étape où Ulysse perd entre 3 et 5 ou 6 hommes. Mmh. Ça se termine toujours par un vers formulaire qui reprend plusieurs fois. Alors, nous quittâmes la place avec tristesse, pleurant nos compagnons. Mais... si vous voulez, l'épisode de Charybde, c'est pour ça que je n'attache pas tellement d'importance, est un épisode sans aucune personnalisation, à part les six têtes d'un des deux monstres. Oui, ce sont vraiment des monstres qui n'ont pas forme humaine. Non, la différence du cyclope qui lui aussi engloutit des amis d'Ulysse, mais le cyclope ressemble à un cyclope, donc c'est quand même, il a quelque chose presque d'un humain. Alors que c'est un humain, il mange, il fait un repas. Et on le décrit. Là, vous avez d'un côté un monstre à six têtes et de l'autre un tourbillon dont on nous dit même pas que c'est une personne. Et on n'en sait rien d'ailleurs. On ne sait pas si ce sont des présences divines, des présences cauchemardesques. Elles ont un statut très particulier, comme si c'était la nature elle-même en fait, mer qui prenait cette forme-là. On n'en sait strictement rien. Et alors, on a très envie, nous, de donner une explication. Mais je crois que pour Homère, ce sont simplement des faits. C'était probablement deux écueils qui étaient fort dangereux, comme le montre le français avec allée de Charybde dans Scylla. C'est devenu une expression maintenant. Oui, absolument. Mais dans l'ensemble, elles n'ont aucune personnalité. Et je trouve qu'il est beaucoup plus important d'aller regarder les épisodes des voyages, puisque c'est d'eux que je parle aujourd'hui, où vous avez des personnages à forme humaine, même s'ils sont plus ou moins monstrueux. Vous pensez à qui ? Je pense d'abord au cyclope. En général, au super cyclope, qui est le cyclope Polyphème, dont on nous décrit avec délectation les repas, comment il déchiquette le corps de ses victimes. Vous avez aussi tous les récits où Ulysse perd un certain nombre de ses amis, par le fait justement d'interventions plus ou moins divines, de tempêtes, etc. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, tout ceci n'est pas psychologisable. Mmh. On sent quand même dans le passage de Charybde et Scylla qu'un cran supérieur est atteint. Et peut-être parce que justement ces monstres ne sont pas personnalisés ou humanisés, oui. La terreur est amplifiée. Les mots choisis dans le texte qu'on a entendu sont beaucoup plus effrayants que ceux d'habitude employés par Ulysse. Absolument d'accord avec vous. Il le dit, ce fut là le plus déplorable des coups que je souffris en explorant les passes de la mer, et c'est un euphémisme que de lui dire. Ah oui, non, ça c'est même pas un euphémisme, c'est un fait. C'est le pire. Mais en même temps, c'est un épisode d'où l'humanité est complètement absente, sinon sous la forme de victime. D'où ça vient les mots Charybde et Scylla ? Ben c'est leur nom. Mais ils ont été inventés par Homère. Ça, ils sont certainement pas attestés avant, puisqu'on n'a pas de texte. Et c'est devenu le symbole d'un endroit dangereux. Et ça s'est transformé très vite en nom géographique. Si vous lisez des descriptions de la Sicile dans des textes grecs, on parlera de ça. Alors, il y a pourtant une gradation supplémentaire dans ce voyage fantastique et terrible d'Ulysse. Oui. C'est lorsqu'il va en enfer. Oui. Quel est le pire lieu sur Terre, et pour cause d'ailleurs, il n'est pas vraiment sur Terre, mais sous Terre, que l'enfer. Alors, l'enfer, il y va, il est presque. Enfin, il suit les conseils de Circé. Il n'y a pas le choix. Voilà. Il lui dit rends-toi en enfer, car là-bas, tu rencontreras quelqu'un qui te renseignera sur absolument. Ton sort, et pour cela, il faut que tu égorges des génisses que tu présenteras en offrande à Tirésias. Voici la suite, c'est une fiction diffusée sur France Inter en 1965. Ulysse a saisi les victimes et leur tranche la gorge. Le sang fumant jaillit et coule dans la fosse. Et ces sombres vapeurs vont alerter jusqu'au fond de l'Érèbe les ombres des défunts qui dorment dans la mort. Riloc, Périmède, vite, dépouillez les bêtes. Il faut, m'a dit Circé, que de mon épée nue, je protège la fosse. Hadès et Perséphone, l'Holocauste est pour vous, pour les tribus des morts rampant à vos genoux. Avant que Tirésias de Thèbes, à mon appel ait répondu, n'approchez point. Le bronze de ma lame, glacé comme la mort qu'il porte, vous interdit de boire à la vie répandue dans le sang des victimes. Tirésias. Ulysse. L'ombre de Tirésias, tenant le sceptre d'or, est apparu, sculpté dans l'irréel, tout au bord de la fosse, face à Ulysse. Malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil des vivants pour venir chez les morts, quelle idée! Je vais parler, mais d'abord, laisse-moi boire. Ulysse remet au fourreau son glaive à clous d'argent, cependant que l'ombre du devin ce mort parmi les morts hume la vie mourante au sang qui fume encore. C'est le retour plus doux que n'est le miel, n'est-ce pas, que tu veux obtenir? Oui, Tirésias. Mon retour en Ithaque. Et toi seul peux me dire... Oh, un dieu te le rendra pénible. Un dieu? Lequel? Célébrant l'heure du monde qui ne te pardonnera pas d'avoir à l'un de ses enfants crevé le seul œil qu'il avait. Poséidon. Et en effet, Poséidon fera tout pour empêcher le retour d'Ulysse en Ithaque. Alors, lundi dernier, Pierre-Julie Lacombe, qui était mon invité pour ouvrir cette semaine, en appelait à une exploration libre de l'œuvre de Homère, se réjouissant des différentes adaptations. Pierre Bergoglio hier avait plus de réserves et j'ai l'impression que vous aussi, Suzanne Saïd, j'ai beaucoup de réserves sur ce à l'égard genre. De cette fiction. Dites-nous pourquoi. Alors, ce que je voudrais, si vous voulez, on peut juste là parler du monde des morts parce que c'est un excellent exemple. C'est en effet un épisode qui est central. Il occupe presque tout un champ et une très grande place de l'épisode de Circé. Le champ 11. Tout à fait. Mais c'est un épisode qui a des fins multiples. Bon, là, le prétexte, c'est la demande à Tirésias pour obtenir des conseils de retour. Mais le vrai propos de l'œuvre, de cette description, est tout à fait différent. En effet, c'est un passage exceptionnel qui montre où passe la limite entre le monde des morts et le monde des vivants. Les uns et les autres sont définis en termes de géographie. Les uns habitent notre terre, qui est entourée par le fleuve océan, et les autres habitent dans un au-delà et sont séparés des vivants par des courants violents et infranchissables. Les morts vivent dans la nuit. Seuls les vivants connaissent la lumière du soleil. Et enfin et surtout, les morts sont des êtres sans substance. On les compare à des ombres, ou bien à des fantômes, ou bien à des rêves, comme le montre la scène où on voit Ulysse en train d'essayer d'embrasser sa mère, et n'y arrivant pas. Et ce passage sert aussi un troisième propos, c'est une mise en scène en quelque sorte du rapport de la vie et de la mort à travers des dialogues qui sont extrêmement importants. Le plus important était le dialogue du héros de l'Odyssée, Ulysse, avec le héros de l'Iliade, Achille. Dans l'Iliade, Achille est présenté comme celui qui a choisi la gloire plutôt que la vie longue. Ce qui est important dans l'Odyssée, c'est qu'on a un Achille qui a totalement changé d'avis et qui dit, quand Ulysse lui rappelle sa gloire, là je vous cite le texte, « J'aimerais mieux être sur terre, domestique d'un pauvre paysan. » Donc ce qu'il y a vraiment de plus bas dans la hiérarchie sociale, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, plutôt que de régner parmi les morts sans vie. Donc, le rapport entre la vie et la mort s'est complètement inversé, d'une certaine manière, d'une œuvre à l'autre. Et les rencontres, les deux autres rencontres avec deux autres héros de l'Odyssée, ont aussi une valeur symbolique. De l'Odyssée ou de l'Iliade ? De l'Iliade, excusez-moi. C'est-à-dire à la fois la rencontre d'abord avec Agamemnon, qui raconte que Ulysse a bien de la chance, il a une femme fidèle, tandis que lui, Agamemnon, il a péri à cause de l'infidélité de son épouse et a été égorgé, comme il dit, un bœuf à la mangeoire. Et en même temps, il est clair que cette histoire préfigure à l'envers le massacre des prétendants, puisque cette fois, c'est pas le grec qui va être massacré, mais c'est Ulysse qui va être le massacreur. Et deuxièmement, vous avez la rencontre avec Ajax, qui est aussi un autre héros de la guerre de Troie, qui rappelle sa grandeur, mais aussi, en arrière-plan, il est clair que les auditeurs savaient tous qu'il y avait eu dans l'Iliade, à propos de l'attribution des armes d'Achille, une querelle féroce entre Ulysse et Ajax. Ce qui explique le silence d'Ajax dans l'Odyssée. Mais ce que ça veut dire, et c'est là où ce passage est absolument extraordinaire, c'est que la visite aux enfers permet à Ulysse de rencontrer des personnages qui sont morts, mais qui ont tiré les leçons de leur mort. Ce ne sont pas les mêmes, comme s'il y avait une transformation possible après la mort. Tout à fait, et ça c'est tout à fait étonnant, et c'est compléter ce récit dans les enfers, de deux catalogues dont on oublie souvent l'existence, c'est ce qu'on appelle le catalogue des héroïnes et le catalogue des héros, avec d'un côté des femmes qui sont toutes définies uniquement par leur lignée, leur mari ou leur amant divin et leurs enfants. Et d'autre part, des hommes avec trois héros exceptionnels qui encadrent trois criminels. Mais à la différence justement d'une autre partie de la description des morts, on voit que trois de ces héros qui sont devenus des demi-dieux, que ce soit Minos ou que ce soit Héraclès et un autre moins connu, Orion, continuent tous dans les enfers à mener exactement le genre de vie qu'il menait sur la terre. Mais alors, vous voyez, ça nuance quand même les propos que vous teniez lorsqu'on parlait de l'affirmation de Jacqueline de Romilly. Comment ne pas postuler une forme d'intériorité dès lors qu'on constate que certains personnages changent après la mort? Oui, Achille, une aux enfers dit « je n'aurais pas dû vivre ainsi ». Oui, mais si vous pour voulez... Pour pouvoir affirmer, tenir ce genre de propos. Écoutez, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire... On n'est pas dans le projet de l'objectivité non, des faits, en tout la cas. La seule transformation possible, c'est celle qui sépare le vivant du mort. Ça, c'est une chose. Ouais. Et ça, ça existe. Quand on est mort, on reconnaît la suprême valeur de la vie. Ah bah ça, on ne sait pas, justement. Enfin, bon, en tout cas, c'est ce que dit le texte. Ouais. Mais vous avez pour certains aussi... personnages, mais pas pour d'autres. Parce que vous dites quand même, Achille reconnaît qu'en fait, il aurait mieux valu rester en vie que d'être mort, mais les autres, Ajax, etc., ne changent pas. Ajax ne change pas, il reste dans sa haine d'Ulysse. Donc, il y a bien une différence individuelle, singulière. Oui, mais vous avez aussi trois héros, qui sont Minos, dont on parle, Orion et Héraclès, qui continuent à faire exactement dans les enfers. C'est donc bien qu'il y a une différence entre les personnages. Et donc qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient. C'est des personnages qui sont tous devenus des demi-dieux, objets d'un culte. Mmh. Orion continue à être un grand chasseur. Minos, il reste un juge, que ce soit dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Héraclès, Héraclès aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas un mort ordinaire. Alors, ce qu'il y a aussi de très intéressant dans cet épisode de l'enfer, c'est que la prédiction de Tirésias qu'on a entendue hein, dans l'extrait juste avant, n'enlève rien à l'aventure que va vivre Ulysse. Tirésias lui dit, voilà comment ça va se passer. Tu vas rentrer à Ithaque, mais tu rentreras seul. Tu vas perdre tout ton équipage, il va se passer ceci, il va se passer cela. Le lecteur va assister au récit de ces événements sans que ça n'enlève rien, ni à l'aventure, ni à la surprise. Tout à fait. Non, mais ça arrive souvent. Par exemple, vous avez un moment dans l'Odyssée. Une prédiction qui est faite à Ulysse, où on lui dit « tu vas aller dans un pays qui va être habité par des gens violents, etc. » et qui est en fait une annonce de l'épisode de Circé. Ça n'empêche pas. Non, mais ça donne un statut différent à ce texte que l'on peut lire tout comme à fait, tout à fait. Une histoire d'aventure chronologique, bien que le récit lui-même ne respecte pas cette chronologie. Oui, alors là, vous abordez un problème bien difficile. Ce qui me paraît faire la spécificité de l'Odyssée. Et c'est pour ça que c'est un récit dont l'organisation est extrêmement subtile. C'est que les mêmes faits peuvent être racontés à plusieurs niveaux, par plusieurs personnages. D'accord, ils sont quelquefois racontés par le récit, donc la muse, le dieu, donc là, c'est du garanti. Mais ils sont aussi rapportés par des personnages qui font des prédictions qui sont à moitié vraies, à moitié fausses. Comme pour annoncer l'épisode de Circé, quand tu dis « tu vas être retenu dans une île par des hommes sauvages », c'est pas par des hommes sauvages, c'est par Circé. Donc vous voyez, il y a une sorte, et il y a souvent des jeux d'écho, puisque le même épisode peut être raconté successivement, et dans le désordre, tantôt par Laède, le récit, tantôt par un personnage, tantôt par Ulysse lui-même. Et vous avez donc un jeu subtil d'écho entre ces différents locuteurs. Et j'avoue que au départ, j'avais d'abord pensé à organiser un peu mon papier en suivant l'ordre chronologique des récits. Votre livre, vous voulez dire? De mon livre. Et c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué. Mais simplement... Et puis ça n'aurait pas d'intérêt, d'ailleurs. Je la pense, chronologie ne change rien. Non, ce qui a un intérêt, c'est de comparer les différentes versions et de voir comment elles apparaissent. Est-ce que votre lecture de l'Odyssée a changé, évolué au cours des ans? Pas vraiment. Si vous voulez, je dirais que j'ai fait beaucoup plus attention à toute une série de détails que j'avais négligés, que j'ai pris conscience de toute une série d'échos, et en particulier non seulement d'échos à l'intérieur de l'Odyssée, mais d'échos avec l'Iliade. Ah oui? Donc, si vous voulez, de façon technique, je me suis attachée beaucoup plus à regarder des récurrences de formules. Parce que c'est ce qui précisément tisse des liens entre différents niveaux de narration. Quand vous avez la formule « nous quittâmes cette place avec tristesse » qui réapparaît plusieurs fois, c'est chaque fois pris dans des récits complètement différents, tantôt fait par Ulysse, tantôt fait par d'autres, et tantôt dans le récit. Et dans quelle mesure est-ce que ce récit et ce texte correspond pour vous à une réalité textuelle, littéraire, autonome, ou bien trouve des échos avec votre vie en dehors, une fois que vous refermez les livres et que vous n'enseignez plus Suzanne Saïd. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, c'est un texte auquel vous pensez, y compris dans la vie quotidienne? C'est un texte qui est tellement concret, qui vous oblige à avoir un peu les pieds sur terre et à regarder ce que vous faites. Pourtant, tout ce qu'on vient de dire sur le fantastique, le monstrueux. Mais c'est en même temps un texte qui abstrait beaucoup de choses, qui laisse tomber beaucoup de choses du réel, pour ne nous en donner qu'une quintessence. Et tout ça est filtré par la formule, d'une certaine manière. Et vous arrivez à nommer cette quintessence du réel que nous donne l'Odyssée ? Difficile. Je veux dire, si vous voulez, c'est de loin l'épopée la plus difficile. L'Iliade, c'est beaucoup plus simple. Mais dès que vous commencez à vous intéresser aux échos internes, dès que vous essayez de regarder tous les passages ou toutes les reprises de vers qui se retrouvent dans l'Iliade, ça devient infiniment intéressant. Mais si vous voulez, comme une espèce de jeu technique. Oui, c'est vous ça. C'est pour ça que je pose la question de manière non technique dans le rapport à votre propre vie. Mais moi, c'est plutôt une espèce de plaisir intellectuel à jouer. Oui, c'est ça. Et comment interprétez-vous le retour à Ithaque ? C'est la fin du fantastique ? Le retour à Ithaque, c'est théoriquement le retour au bon ordre. Au bon ordre. Au bon ordre. Parce que vous aurez une Ithaque purgée des prétendants, où la légitimité va pouvoir s'affirmer. Télémaque a prouvé qu'il est digne de devenir le roi d'Ithaque et qu'il est le digne fils d'Ulysse. C'est même tout le rôle de son propre voyage. On lui dit, pour que tu te fasses une bonne réputation parmi les hommes, donc que tu démontres que tu es le digne fils d'Ulysse. Et il y a une lecture politique possible à La lecture, elle n'est pas seulement possible, elle est absolument nécessaire. Vous avez en effet, et c'est surtout très clair dans l'Odyssée, différents types de régimes. Vous avez d'un côté la pure sauvagerie, c'est les cyclopes, c'est symbolisé par le fait qu'on mange de l'humain, parce que le régime est extrêmement important dans l'Odyssée. Donc, ça vaut pour les cyclopes, et en particulier pour plus cyclope, le super cyclope, qui est Polypherme, qui est un monstre gigantesque, etc., qu'on décrit. Mais vous avez aussi une série de pays qui sont gouvernés par des sauvages. Il n'y a pas que les cyclopes, il y a aussi les strigons, qui ne valent pas beaucoup mieux. Et puis, vous avez les pays bien gouvernés, et le plus important, c'est évidemment le pays des Phéaciens. Car les Phéaciens jouent un rôle complexe. C'est à la fois un âge d'or, le jardin d'Alcinoos, tout y pousse en toute saison, et apparemment sans donner beaucoup de mal. Mais c'est surtout une utopie politique. C'est en effet un pays où il y a un accord parfait entre le super-roi, qui est Alcinoos, et les autres rois, qui se soumettent absolument à ses volontés. Et en même temps, un pays où règne une aisance de vie extraordinaire, avec la description du palais d'Alcinoos, où vous avez à la fois du bronze, des sièges cloutés, des tissus de pourpre, etc., de l'or, des animaux magiques construits comme des statues par Héphaïstos. Donc, vous avez toute une gamme, et on peut dire d'une certaine manière que les deux points extrêmes des possibilités, sont représentées dans l'Odyssée, d'un côté par les super bons, c'est-à-dire les Phéaciens, et d'autre part par les purs sauvages, c'est-à-dire Cyclope et les Strigons. Et Ithaque dans tout ça ? Ben, Ithaque, elle est au milieu. C'est-à-dire que l'histoire d'Ithaque, c'est d'abord l'histoire de l'Ithaque des prétendants. Et il est important de voir qu'on apprend au début beaucoup plus de choses dans l'Odyssée sur ce qui se passe à Ithaque que sur ce que fait Ulysse. On l'apprend beaucoup plus tard et on nous apprend surtout l'opposition entre, d'un côté, je dirais, le côté d'Ulysse, c'est-à-dire Pénélope et son fils, et de l'autre côté, les prétendants. Vous avez une assemblée du peuple qui est un contre-modèle, avec des prétendants, Antinoos d'abord, puis Érymaque, qui insultent Télémaque, alors que toutes les assemblées des Phéaciens sont présentées comme allant de soi et menées par des êtres parfaitement pieux et justes. Simplement, il y a qu'un petit détail qu'on oublie souvent. C'est que les Phéaciens, ils sont condamnés à disparaître dans l'Odyssée. On nous dit bien qu'un jour, Poséidon viendra les anéantir pour les punir d'avoir accueilli Ulysse qui avait aveuglé son fils Polyphème. Donc vous voyez, on a toute cette réflexion sur la politique. Et ça me paraît extraordinairement important dans l'Odyssée. Figurez-vous que c'est le sujet de l'émission de demain avec Pierre Pellegrin. Ah ben ça me paraît très bien. Merci beaucoup Suzanne Saïd d'être venue nous parler d'Ulysse aujourd'hui et de l'Odyssée. Voilà. Et je vous propose, avant de nous quitter, de retourner en enfer en compagnie de Chris Rea, Road to Hell. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know. Get beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. This is the road to hell. Sans transition de l'enfer vers le journal de la philo, vous êtes sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosta-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. En cette rentrée littéraire, vous avez choisi de vous intéresser à une polémique. Mais qui a pu passer à côté de cette polémique? Qui agite donc cette rentrée littéraire? Vous voyez de quoi je parle, de Yann Moix bien sûr, et de son texte paru il y a une semaine, Orléans, dans lequel il raconte son enfance maltraitée. Roman autobiographique, comme le précise son éditeur Grasset, ce récit en quelques jours a provoqué de multiples réactions de la part des premiers concernés, sa famille, mais il a aussi vu tout un ensemble de problématiques surgir, telles que la fiction donne-t-elle le droit de réécrire la réalité? Pourquoi ne pas laver son linge sale en famille? Ou encore, qui pour sauver Yann Moix? C'est un drôle de déballage médiatique auquel on assiste depuis quelques jours après le père José Moix. Voilà le frère Alexandre Moix, c'est important de le dire, il n'est pas cité dans ce livre Orléans, mais dans une lettre ouverte hier dans le Parisien, il dit « Non, mon frère n'est pas une victime, c'est lui le bourreau, c'est lui le tortionnaire, c'est lui l'auteur des sévices qu'il dit avoir subi dans son livre. » Une phrase dans cette lettre ouverte « Dans ma vie, mon frère n'a eu que deux obsessions, obtenir le Goncourt et m'annihiler, me nier, m'éliminer physiquement et moralement. » J'avoue être ambivalente devant ce genre de polémique. Je suis tout à la fois avide de ces rebondissements et dégoûtée qu'on en fasse un sujet. J'ai envie de tout savoir de l'histoire tout en disant que ça n'en vaut pas le coup. Je retrouve en fait le plaisir coupable de la télé-réalité ou de la lecture de Voici, mais en plus fort, en plus engagé, en plus dramatique. Car cette affaire n'a rien de comparable avec la séparation d'un couple de stars. Non, on la prend au sérieux, on se scandalise, on prend parti, on l'élève, on la problématise, tout en restant dans la banalité des histoires familiales et des questionnements intellectuels. Et j'en fais d'ailleurs de même. Peut-être, pour donner une contenance à ma soif de potin, je tente moi aussi de penser au problème des rapports entre fiction et réalité, à celui de la frontière entre privé et public, puis aussi à celui de la légitimité d'un auteur ou de la moralité d'un grand frère. Sans parler évidemment de la question du mal, Yann Moix était un salaud de chroniqueur, un ex-prédateur, il est désormais un menteur, un bourreau, une victime déguisée doublée d'un antisémite. Mais qui s'en fiche après tout? Pourquoi en parler? Et pourquoi j'en parle tout en disant qu'on s'en fiche? pourquoi certains sujets deviennent-ils ainsi des polémiques auxquelles on se sent convié. Le fait de faire tomber un yaourt par terre pouvait me faire passer une nuit d'or. Faire une bêtise, par exemple, j'avais été sonné chez tous les voisins. Ça, c'était des sanctions punies, par exemple, par des coups de fil électrique, des rallonges électriques. J'étais en pyjama, en général, quand je les recevais. C'est une chose assez spéciale. C'est-à-dire que au moment où vous recevez le coup, vous ne sentez strictement rien. Rien du tout. Pendant 2 secondes. Et ensuite, au bout de 2-3 secondes, il y a comme une sorte de fraîcheur intense, comme si vous étiez recouvert de menthe. Et ensuite, ça brûle. Ça brûle très très longtemps. Ça reste, quoi, ça s'imprègne. Qu'est-ce qui nous fascine avec l'histoire de Yann Moix et ses rebondissements contre lui? C'est vrai qu'à l'écouter, on retrouve la fascination assez courante pour l'humiliation, le sordide, le malsain. On retrouve aussi celle tout aussi courante de pénétrer dans l'intimité de personnalités publiques. Et du coup, celle par la suite de découvrir les failles d'une personne qui agaçait avec sa toute-puissance une sorte de plaisir de vengeance sans qu'on soit pour autant impliqué et coupable. À l'inverse du fait divers qui part d'un fait ordinaire pour lui donner la forme du récit extraordinaire, je pense ici à Roland Barthes et Michel Foucault qui ont analysé les structures du fait divers, la polémique, elle, ramène l'événement, l'exception, la personnalité publique et a priori remarquable à la triste banalité, au quotidien, et elle la met à égalité avec ceux à qui il se montre et qu'il surplombait jusqu'ici. 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi. Yann Moix est devenu comme nous et même pire. À nous de le juger, à nous, à moi de décider s'il vaut la peine d'être lu et d'être élevé au rang d'auteur ou même de mec bien. Dans sa lettre ouverte à son frère, Alexandre Moix rappelait ainsi ce mot que Yann lui disait. Il n'y aura qu'un Moix, c'est moi. C'est tout l'enjeu d'une polémique et sa caractéristique première, et moi. Qui aura le dernier mot? Qu'il s'agisse des personnes concernées, Yann Moix, son frère, son père, ou de ceux qui suivent, assistent, interrogent, se scandalisent de cette affaire, la question est là. Qui aura raison? Qui aura la meilleure analyse ou prendra le meilleur parti? Qui s'en sortira le mieux? Au fond, la polémique est moins un débat élevé qu'une simple affaire d'ego. Merci Géraldine. Est-ce que vous nous conseillez des choses à lire sur le sujet? Il y a le roman de Yann Moix, Orléans, qui est sorti donc aux éditions Grasset, que je n'ai pas lu, je le signale. C'est noté et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alice Seyed. À la lecture des textes, Thibaut de Montalembert. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre voyage en compagnie d'Ulysse sur la route de l'Odyssée d'Homère. Demain, on arrivera enfin à Ithaque. À côté d'Ulysse, évidemment, en compagnie de Pierre Pellegrin, on s'interrogera sur la dimension politique de la fin du texte et du massacre des prétendants par Ulysse. L'émission s'annonce sanglante. D'ici là, pour réécouter l'émission du jour en compagnie de Suzanne Saïd, c'est possible, vous vous rendez sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger l'émission, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et l'inscrire dans la série d'émissions, puisque à chaque semaine d'émission correspond une série, un thème, et cette semaine, c'est l'Odyssée. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où les Chemins, l'équipe des Chemins, anime un compte. On vous attend quotidiennement, on met l'émission en ligne, et puis on attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.